C'est toujours Fun Radio et il y a toujours Gérard de Suresnes qui est en train de se concentrer pour le moment. Cyril, finalement, on n'a pas eu l'occasion d'intervenir tant que ça sur l'antenne, hein, parce que bon, il y a eu le bulldozer. C'est quelqu'un qui quand même maîtrise le métier, le sujet. Non, mais c'est quelqu'un de très bien, Gérard. Et d'ailleurs, je suis tombé sur Méduse, un de ses poèmes. Oui. Ah, alors voilà, non mais Gérard, si tu le prends comme ça, tu sais, je vais quitter la salle, ça va être aussi simple que ça. Ah ouais, non, parce que là... Gérard, vas-y, non mais qu'est-ce qui se passe entre nous là? Bah, ce qui se passe, c'est que... Non, mais ça c'est des trucs que personne n'a le droit de dire et c'est tout. Voilà, non mais ça, Gérard, c'est... Non, parce que je suis en train de chercher un truc pour quelqu'un, et il faut que je prépare d'autres choses derrière. Le truc de quelqu'un, à savoir la demoiselle avec qui tu devais le faire, ça t'aura le temps de le faire chez toi tranquillement. Non, mais c'est pour ça. Alors c'est pour ça. Vulve, on lui a dit au revoir. De toute manière, je vais la rappeler tout à l'heure. Alors, il va y avoir, et je tenais à le dire maintenant, on va l'annoncer, hein, le temps que tu prépares les questions, mais là, à mon avis, il va y avoir de l'audience vilaine, ça va faire mal ce soir sur l'antenne et sur la bande FM. Un débat de Gérard vient de se préparer, un mini-débat comme les mini-mars. 4 ou 5 questions maximum. Il est en train de boire son café. Si vous voulez participer au débat de Gérard, que vous connaissez par cœur, ça fait plus de 5 ans que ça existe, 0825 08 5000, il va y avoir une nouvelle équipe qui va donc être essayée. Il est pas sûr que Gérard les garde, parce qu'on en a fait il y a pas longtemps, il a testé une nouvelle équipe, il a déjà licencié 2-3, donc ce soir il y en a qui vont être testés, ils se présenteront tout à l'heure, à part Thomas que vous connaissez, il y a un nouveau également qui va venir nous rejoindre à l'AREA, à côté de Karine également, peut-être un petit jeune nouveau qui va être essayé et qui sera peut-être pas gardé non plus. On va voir comment ça va se passer. Gérard est extrêmement concentré. Cyril, toi qui es à côté, tu peux... Bah, il a fond dans le débat, il a fond dans... Il veut pas que tu copies. Ouais, je vois ça, ouais. Non, mais il est en train de... Non, mais j'ai l'impression que Gérard n'est pas content que je sois là ce soir. Non, si, mais il est en train de se concentrer, donc le problème, c'est qu'il est en train de... Gérard, on peut se parler ? Non, il est en train de travailler, là. Hein, Gérard, c'est ça ? Tu veux être concentré, c'est ça ? Non, mais je peux... Ah, bon. Je peux écouter ce qu'on dit, hein, c'est voilà. Mais tu veux rester concentré, c'est ça? Bah, disons, j'écoute, mais si... Il prépare les questions, là. Il improvise, hein. C'était pas prévu ce débat. C'est moi qui lui ai demandé. Et à mon avis, ça va faire mal. C'est-à-dire que bon, il y a une certaine recherche des questions. Ah ouais, là, il a fond sur les questions, là. La deuxième question, elle est pas mauvaise. Hein. Elle est pas mauvaise. Bon, il va pas la donner, hein. Faut pas la donner parce qu'il faut les garder. Donc là, il est très concentré. Non, mais, oh! Non, Cyril. Bon, non, bah, non. Non, mais. Cyril, oh non, faut pas les dire. Ouais. Mais non, voilà, il va. Non, c'est bon, il est calme. Non, c'est bon. Non, mais moi, ça va aller vite. Je vais faire sortir Cyril. Continue à perturber comme ça, on va être obligé de te mettre. C'est voir un petit peu ce qu'il fait. Attends, fini. Ton travail. Non, mais là. Non, mais ça, c'est mon boulot, ça regarde personne. Bon. Gérard, est-ce que tu peux. Mon débat, c'est mes débats. Donc, ce que je prépare, c'est de l'improvisation. Donc, ça ne regarde personne. Même mes poèmes, ça ne regarde personne. Est-ce que Gérard, par contre, tu peux aller très très vite pour préparer des questions? Attends, t'as l'habitude quand même maintenant. Ça suffit, là, avec ce que t'as, c'est bon, là, on peut faire un mini débat. Bah, on a que deux questions, questions qu'il me faut. Si, c'est deux questions, Gérard. Combien t'en faut? 4-5? Combien? 4? Au moins 4. Non, mais. Là, c'est en train de se préparer au standard, est-ce que ça appelle grave pour les débats? Ouais, quand même, hein. Oui, donc là, tout le monde est prêt, tout le monde est dans les starting blocks, comme on dit, Gérard, et on attend plus que tout le monde attend plus que tes questions pour ce fameux débat à 1h37 du matin. Vous ne rêvez pas, Gérard de Suresnes est bien là, c'est lui, il va prendre le contrôle de la radio, il va vous aider à mieux comprendre ce qu'est la Saint-Valentin avec un débat qui risque de faire très, très mal. Max. Sur Fun Radio. Voilà, vas-y. Non. Ça marche pas? Non. Alors, Gérard? Ah non. Non, c'est pas le bon. Voilà. C'est pas le bon. C'est pas... Ah si, ça y est. C'est bon. Ah, c'est celui-là qui marche. Bah. Qu'est-ce que tu fous? J'ai pas de retour. Ah bah. Il faut appuyer là, regarde. C'est là qu'il faut appuyer. Là. Donc là, non, j'ai pas de... Non, non plus. J'ai pas de retour! Gueule pas! J'ai pas. Ah voilà. Donc c'est pas celui-là. Hop, celui-là on l'enlève. Et je vais garder le mien que j'avais tout à l'heure. Voilà, ça ira mieux. Eh oui, ben donc. Alors la nouvelle équipe, je vous la présente. Donc, Régis. Non, c'est Jean-Marcel. Non, c'est Régis, tu permets. Il n'y a pas de Jean-Marcel dans l'équipe, c'est Régis. Donc, l'équipe de Fun. Donc, Régis. Au standard, Karine. Karine, quand alors l'intention de répondre, elle me préviendra. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Et puis, Thomas. Salut Gérard, on s'est eu tout à l'heure au téléphone. Ouais, ben, je m'en doutais que c'était toi. Ouais, non, c'était pas moi. Non, c'était la main de ma soeur par un culotte d'un zouave. Donc, mini débat, ça va pas durer trop longtemps parce qu'il est déjà moins de quart. Alors, un petit débat sur la Saint-Valentin. On a des gens, quand même, au standard, s'il vous plaît, si je pouvais avoir la liste, ça m'arrangerait bien. Alors, Non, tu me la donnes, c'est moi qui l'a. C'est toi qui le dis, putain, tu dis tout. Ah ouais, c'est moi qui. Tiens, c'est ado. Je sais pas comment ça marche, moi. C'est ah non, mais c'est pas comme ça, qui me l'a pas, la liste. Oh là là, faut te l'écrire. Bouge pas. Alors, je le dis ou pas ou tu, non, rien mais faut me la mettre. Bah, je vais te la faire, mais j'ai pas eu le temps, là. J'ai écouté le remix. Alors, vas-y. Alors, on a deux personnes, c'est tout? Pour l'instant, c'est ça, ouais. Alors, Jean-Louis, 26 ans, Draguignan, 106-12. Allô? Oui, bonsoir, c'est Jean-Louis. Ouais, bonsoir. 26 ans, Draguignan, dans le Minounet. Ouais, mais merci, je viens de le dire, d'accord? Oui. Te fous pas de ma gueule. Bonsoir à toute l'équipe. Et c'est sur quoi le débat? Non, mais attends, tu permets que je présente l'autre? Tout à fait. Alors, Zidane. Allô? Bonsoir, GG, c'est Zidane. Zidane, Bordeaux, 116-6, c'est ça? 116-6, tout à fait, c'est Zidane. Hein. Ouais, ben. Zidane, bonsoir. Bonsoir, l'équipe. Toi derrière, celui qui est pas présent sur l'antenne est prié de fermer sa grande bouche, ça sera mieux pour lui. Ça doit être Sylvain Villeporte, mais il va rentrer, t'inquiète. Dans ces cas-là, vous avez commencé à vous calmer parce que sinon c'est moi qui va vous calmer vite fait, bien fait. C'est toi qui gères, Gérard. D'accord. Mon entraîneur. D'accord, Zidane. Pas de problème, Zidane. Non, mais moi je vais t'appeler Zidane parce que. Ouais, moi je vais t'appeler Gérald. Ouais, ben te fous pas de ma gueule, d'accord. Pas de problème, Gérald. Et on va. C'est bien les deux personnes. Alors, quel est le cadeau idéal pour la Saint-Valentin? Allez, Jean-Louis, tiens. Oui, alors pour moi, le cadeau idéal pour la Saint-Valentin, c'est une preuve d'amour comme une autre. Ben, je pense que c'est un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs, c'est sympa. Mmh. Ça passe bien avec un petit bisou, une petite, une petite embrassade, une petite accolade. Un bisou ou un bouquet de fleurs. Ouais, mais ça. Je pense que ça le fait. Non, mais je pense que ça, c'est vraiment le truc qui revient régulièrement, constamment. Mmh, ça leur fait tellement. Ça, tous les ans, je peux te le dire. Ouais. Tous les ans, c'est le bouquet de fleurs et le petit cadeau. Ça, c'est tous les ans. Hein. C'est classique. Ça leur fait tellement plaisir. Ouais, mais d'accord. Et puis nous, les mecs, ça nous fait tellement plaisir de leur faire plaisir. Ouais, mais d'accord. Mais offrir un bouquet de fleurs avec un petit cœur ou tout ça, c'est constamment. Mmh. Ouais, non, c'est un peu bidon quand même. Bah ouais, mais c'est une coutume française, je veux dire. Mais d'accord, c'est peut-être insupportable. Mais c'est tous les ans qu'on voit ça. Ouais, tu trouves pas que c'est un peu dépassé, toi, tout ça, le coup des fleurs? Toi, tu serais plus pour quoi, un pneu Non, mais moi, je vais te dire une chose. La Saint-Valentin, en fin de compte, c'est quoi? Un cric? Non, mais attends, ne te fous pas de ma gueule, parce que sinon, on va te faire le système du boum-boum. Oh non, quand même pas. Hein? Donc, alors, tu restes calme, d'accord? Parce que vous êtes que deux. On t'écoute. Alors, faut quand même pas soudre de la gueule du monde. C'est clair. Il faut pas pousser mes mères dans les orties. Donc... Moi, je pense que la Saint-Valentin, c'est comme les fêtes et les anniversaires et Noël et jour de l'an. Maintenant, c'est une fête qui, même pour les Catherinettes, c'est un truc qui s'oublie. Pour les quoi? Les Saintes Catherines. Qu'est-ce qu'elle a, Sainte Catherine? Bah, les Catherinettes. Oui, la Sainte Patronne des salopes. Bon, allez, Zidane, au revoir. Non. Allez, hop, le boum, boum. Non, boum, non, allez. Gérard, mais allez, non, hop, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Mais non, Gérard. Allez. Toi, pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, t'es plus prêt. Mais moi, pour un Saint-Valentin, j'ai rien offert. J'ai rien offert pour l'instant. Mais si, par exemple, t'avais une fiancée, là, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, si t'avais une fiancée, qu'est-ce que tu lui offrirais d'original? Ah, mais ça c'est un truc... Un truc spécial. C'est la vie privée, c'est la vie intime, t'aimes pas trop en parler, mais qu'est-ce que tu lui offrirais, franchement, une fille que tu kiffes à mort, franchement, t'as envie de lui faire des bébés, c'est ta chérie, qu'est-ce que tu lui offrirais? Non, pas un bébé. Un bébé, un beau bébé qui te ressemble. Non, mais ça, c'est un truc personnel, donc... Non, mais réponds quand même, si tu lui offrirais quoi. Non, mais pour la Saint-Valentin, un truc pour une nana, je peux pas te dire ce que je lui offrirais, c'est tout. Ah bon? Non, je peux pas te dire. T'es un petit peu timide, hein? Bah oui. Ah, t'es timide. C'est beau. Donc, Jean-Louis? Ouais, c'est Jean-Louis. Bah alors. Bonsoir. Bon, tu réponds? Bah oui, j'appelle de Draguignan, donc j'ai 26 ans, dans le Ninounet. Et bah ouais, bah moi, c'est moi qui ai répondu en fait à la question. Ah bon, ouais, c'est ouais, toi ouais. Alors, Zidane. Les pleurs, tout ça, le bisou. Oh, Zidane. Zidane une fois, Zidane deux fois, Zidane trois fois, au revoir. On est tous les deux donc. Bon, ben, bah, je pense que. Non, ben, bah, Zidane n'est plus là, alors. Bah, tant pis, on va le faire tous les deux. Tu m'avais viré, mais je veux bien revenir. Hein. Ah, c'est cool. Ah, bah non, on t'a dit au revoir, toi. Ah, bah alors pourquoi tu m'engueules parce que je suis pas là, Blaireau? Eh, Blaireau, il t'emmerde, alors au revoir. Ouais, allez, hop, allez, peu, hop, ouais. Allez, hop. Hop, terminé pour lui. Allez, hop. Foum, foum. Si on pouvait avoir d'autres personnes. Si bah, ça... moi, je peux aller réveiller ma soeur. Alors, il y a Roméo qui est arrivé, Marcel Troisailly. Alors. Ouais, non, mais. Hey. Bonsoir. Hey, Karine. Bonsoir. Karine. Bonsoir. Attends, bonsoir. 5 minutes. Tu me les mets en antenne. Allô ouais. Ils sont là, regarde, ils sont là. Allô. Non, mais, hey, Karine. Oui. Non, mais je t'ai demandé hors antenne. Non, c'est moi qui demande hors antenne parce que je veux te parler. À moi? Oui, encore. Bah oui, bah, tu as encore. C'est un truc improvisé. Donc, tu t'amuses pas à me prendre des gens bidons. D'accord? Non, mais tu mets ton casque quand je te parle, parce que sinon, ça veut dire que tu te fous de ma gueule. Je t'entends. Donc, tu prends pas des gens cons. Parce que là, Marcel de Troisailly, hein, et puis des mecs de l'équipe de France, c'est bon. Hein, on a assez donné. Alors, vous prenez des gens standards, et c'est tout. Valentin. De manière, dans même pas 8 minutes, on arrête. Non, alors, c'est... Roméo. Prends des joueurs de curling. Roméo, Zidane, je crois qu'on t'a dit au revoir, toi. Hein. Ouais. Alors, Roméo. Il n'y a pas de Zidane. Hein. Alors, j'ai Jean-Louis. Jean-Louis, bonsoir. Roméo. Ouais. Et Marcel Troisailly, là. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Marcel. Bon, alors, Roméo et Marcel, donc la question, vous l'avez entendue? Ah, malheureusement, non. Bah, non. Quel dommage. Non, mais déjà, il y en a un qui va baisser sa radio. Mmh. Donc, alors, quel est. Le cadeau idéal pour la Saint-Valentin, pour les deux qu'on peut entendu. Ouais, bah Marcel. Ouais. Ouais, bah écoute, moi j'ai fait dans l'original, cette année je vais offrir une trousse de bricolage, tu sais, une trousse à outils avec des clés de 12, des clés à pipe, tout ça. Parce que bah, y avait 2-3 robinets à serrer dans la maison, donc j'ai tapé dans l'utile en fait. Hein. Mmh. Tu crois que ta nana... Bah, elle était contente, elle aime bien bricoler ma gonzesse, hein. Ça dépend, faut avoir une gonzesse qui aime bricoler, c'est tout. Ouais. Elle est bricoleuse, hein. Ouais, tu crois pas que c'est un peu gros quand même ton histoire? Bah écoute, je sais pas, elle avait l'air contente, hein, ou alors elle a fait semblant. Ouais, donc c'est Roméo ça? Non, c'était Marcel Troisailly. Donc Roméo? Ouais, ça serait plutôt un week-end à Venise. Ah ouais, comme ils ont dit sur RTL, c'est ça? Ouais. Bah ouais. C'est marrant. Ouais, non mais je m'en doutais de toute manière de votre question, un petit voyage, je m'en doutais de toute manière. Je savais bien que j'allais avoir un auditeur qui allait me sortir le problème d'RTL. Oui, comme de par hasard. Le problème de quoi? Ouais, oui, comme le truc qui s'est passé à 15h sur RTL pour savoir qui c'est qui allait gagner le voyage à Venise et terminer sur les gondoles, d'accord? Hein, Roméo? Explique aux gens qui n'ont pas écouté. Ouais, ben, ce que les gens n'ont pas écouté, ça, c'est, je vais pas l'expliquer parce que je vais pas faire de la concurrence pour les autres, d'accord? Alors, si tu veux faire de la concurrence pour les autres, Roméo, eh ben, Roméo, tu sais ce qui va t'arriver? Non, écoute bien, écoute bien! Voilà! Il a rien dit. Voilà. Hop! Bon. Voilà. Et on accueille qui à la place? On accueille qui? Bah attends, on bouge pas, on va accueillir quelqu'un pour l'instant. Non mais faudra peut-être activer votre... Doucement. Gérard, est-ce que tu peux me donner un petit conseil? Parce que moi justement, bah, j'ai acheté un petit bouquet de fleurs, parce que c'est plus sympa. C'est qui? C'est Jean-Louis. Hein. Ouais mais Jean-Louis, tu peux prendre ta voix normale et puis te faire passer pour Tony, parce que ça fait déjà deux fois que tu passes dans les mêmes débats. Yeah. Alors je vais te dire une chose Jean-Louis, terminé, au revoir. Il y a erreur sur la personne. Au revoir. On accueille Jean-Pierre Pompin. Allô. Bah lui, bah, il va attendre. Allô, va Jean-Pierre être... Pompin. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gégé. Salut. Et Jean-Pierre Pompin. Ouais bah, hey. Non, oh. Qu'est-ce qui se passe? Non, bah alors là, je vais vous dire une chose là. Qu'est-ce qui se passe? Vous arrêtez vos conneries ou sinon le débat il va être clair, net et précis, il va vite être terminé. Alors Jean-Pierre, t'éteins ta musique. C'est pas moi, attention, c'est pas moi, il y a erreur là. Marcel, t'éteins ta musique. Et on accueille Patrick Viral. Bonsoir, c'est, non, c'est Patrick Viral. Karine, c'est terminé, je ne fais pas le débat, il y a de la musique. J'habite. C'est terminé, je ne vois pas entendre ça, terminé, il n'y a pas de débat. Allez hop, basta. Mais non, non, non. On a demandé d'éteindre la musique. Il n'y a personne qui l'éteint. Alors, je vais vous dire. Non, écoute, écoute, la musique, écoute, écoute. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, là. Ouais, il n'y en a plus. Bah écoute, tu peux éviter de me prendre des heures de foot de l'équipe de France. Qu'est-ce que j'en sais, moi, que c'est des joueurs de foot? Ouais, bah attends, Marcel Troussailly, Jean-Pierre, je sais pas quoi. Et puis l'autre, là, que tu me prends, c'est qui? Bah moi, je connais pas. Bonsoir, c'est qui? C'est Patrick Viral. Ouais, Patrick Viral, allez. Et voilà, bonsoir à tous. Mais attends, vous n'allez pas me prendre les bonbons ce soir, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, tu vas voir tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe, toi? T'as intérêt de répondre aux questions correctement parce que tu vas pas rester longtemps sur l'antenne, toi. Tu l'as gardé, hein. Alors, que représente pour vous? Que représente la Saint-Valentin pour vous? Allez, Patrick Viral, là. Alors, pour moi, la Saint-Valentin, c'est une fête, c'est la fête d'abord, avant tout, des amoureux. Bien sûr. Alors, toi, tu repasses, tu changes de Jean-Louis pour passer à Patrick Viral. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Merci, merci, Karine. Hein. Merci. De toute manière, je savais très bien que ça allait continuer comme d'habitude. C'est faux. Alors. Non, non, mais là, ce coup-là, c'est terminé, c'est au revoir complet. Il y a de la vie. Au revoir complet. Au revoir complet. Mais ça avance pas beaucoup, là. On a fait, fait une question. Non, mais attends, c'est pas toi qui vas me commander. Non, mais... Toi, tu vas prendre ton boulot au standard. Je le fais, mon boulot. Mais... Bon, alors, hop. Ah, Gérard, allez, encore 4 minutes, là, c'est bon. Non, non, non, non, non. Allez, GG. Non, non. Parce que là, vous foutez de ma gueule. Mais non, attends, c'est bon. Mais arrête, Gérard, on a besoin. Non, ne prends pas la bouche. Pas la première question. Non, mais attends, Karine. Déjà, je vire Jean-Louis. Ça y est, je l'ai viré, regarde. Il est Jean-Louis. Parti. Il est parti. Tu me l'as pris sous le nom de Tony. Tu me le fais repasser sur Patrick Viral. Donc, niette. Mais... Donc, il est hors de question de me reprendre des auditeurs comme ça. C'est pas la peine de dire. Il dit, oh ouais, mais je veux rester, je veux me faire passer sous un autre nom. Non! Non. Clair, net et précis. Celui-là, je n'en veux plus. Mais t'as vu, regarde, il est parti. Ouais, ben, maintenant... Il en reste deux qui t'attendent. Ouais, ben, On perd du temps, là. Non, mais j'en ai rien à foutre. Faudra peut-être prendre d'autres personnes. La Saint-Valentin. Marcel. La Saint-Valentin. Marcel. Oui. Donc, pour toi. Bah, écoute, quand même, un petit peu, ça représente un petit peu le symbole de la misogynie, quand même. Hein. C'est quand même ce qui est regrettable, hein. T'es pas d'accord? Non, mais attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, la misogynie, quand même, la dualité homme-femme. Ouais, mais ça, homme-femme, si tu veux, bah, mais par exemple, si c'était tout seul, comment que tu peux faire pour la Saint-Valentin? Bah, tu déprimes. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, mes mains sont là, tu vois. Ouais, non, non. Non, non, mais là, je crois que pour ce soir, je crois que ça va aller vite. Hein. On va travailler vite fait ce soir, bien fait. Hein. Je pense que ça va aller vite pour la nouvelle équipe de ce soir, parce que c'était improvisé. Jean-Pierre? Oh bah, oui, tout à fait. Je vais en faire deux, en tant qu'à faire. Écoute, qu'est-ce que ça représente? C'est l'amour, quand même. Ouais. Le symbole de l'amour et du couple. Et du couple, c'est quand même le symbole du couple. Mmh. C'est quand même le symbole du couple. Et tu disais, ça peut être couple de même sexe. Hein. Gérard, on accueille David Trezeguet. Voilà. Bonsoir David. Bonsoir. Ouais, bah attends, celui-là, c'est même pas la peine de me le prendre. Non, parce il parle français, hein. Non, mais c'est... David Trezeguet. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il parle français bien. Non. Allez, vas-y. Va te coucher, tu t'appelles Tony, alors va te coucher. Allez, hop. International, les débats. Non, mais je te dis, c'est bien ce qui me semblait que c'était encore Tony. Alors, il est hors de question. J'ai la kékette qui colle, j'ai les bonbons Bon, allez, hop. Non, mais attends, il y a du monde dans le studio à côté, c'est attends, pour ça. Attends, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. De toute manière, c'est bon, il est l'heure. Allez, hop. Comme ça, ça va plus vite. Hop. C'est même pas la peine qu'on continue. Ça sert à rien. Là, ce soir, on veut faire... Non, mais on veut faire un truc improvisionné. Mais vas-y, mais vas-y. Non, mais là, il est hors de question. Ça fait trois fois qu'on me passe Tony. J'en ai marre. D'accord. Il a raison, hein. Je crois que les gars, là, on va pas bien vous garder. Terminé. On voulait improvisionner un débat. Donc, le truc, c'est l'improvision. L'improvision, on n'en fera plus d'improvision. On fera plus d'improvision. C'est foiré. C'est foiré. Voilà. Merci, manière... Thomas. Merci. Merci. Non, Thomas, parce que Karen a les nouvelles et c'est Thomas qui connaissait, qui a voulu rappeler les anciens copains. Voilà. Merci à toi. Merci Thomas. Merci. Je dis rien là. Non, mais c'est bien. Comme ça, tu m'as tout foiré. Mais je peux pas me défendre là. Non, mais tu m'as tout foiré. Dans ces cas-là, c'est même plus la peine que. C'est même plus la peine. Donc c'est terminé. Voilà. Basta. Voilà. Pourquoi tu veux pas leur parler? Non! Parce que je ne veux pas refaire comme il y a. X années. À part un monsieur. Reprendre. Et monsieur Mazur, sauf lui, qui était sympa, mais qu'on a pu avoir à cause de ces gens-là. Voilà. Donc, alors, dans ce cas-là, c'est terminé. Point final. Non, mais on fera plus de débats, dans l'improvisation. On fera que des débats préparés fini. Avec la vraie équipe. Voilà. Donc, pour toi, Thomas, et puis, pour toi, c'est terminé. Comme t'as voulu appeler, tes NASCAR, tu les appelleras. Mais pour moi, c'est fini. Pour moi, travailler avec moi, non. C'est dommage, j'aurais bien aimé continuer, mais bon. Mais non, mais pour moi, je vais te dire une chose, que c'est fini. Tu signeras à la fin de mon contrat? Ah non, mais... Non, mais les débats de Gérard, tu y assisteras. Pour moi, travailler avec moi, c'est pas la peine. Pour la réa, peut-être, mais pas au standard, en tout cas. Non, même pas. Ah, même pas? Ah bah toi, pour la réa, quand t'auras un guignol qui en passe et puis qui s'amuse à non, marcher. Mais je vais le taper sur les doigts après. Ouais. Non, mais moi je vais garder la c'est même... C'est inadmissible. Je vais garder la même équipe que j'avais l'autre fois. Ouais, qui était bien. Hein. Et puis c'est tout. Ouais. Voilà. Des gens plus compétents. Voilà, c'est tout. Bravo les gars, merci pour la merde. Voilà, on avait voulu faire une impro, résultat que dalle. Une petite impro le lendemain de la Saint-Valentin, on en reprend plus. Voilà. Donc notez que le 15 février de l'année prochaine, il n'y aura pas d'impro. Il n'y aura rien. Notez-le. De toute manière, c'est même pas si je serai encore là. Ça c'est vrai, ça, parce que vu ce que tu nous as fait ce soir, et vu mais bon. Mais quand même, Gérard, je trouve que t'as été nerveux ce soir. Un petit peu, oui, quand même. Oui, je trouve aussi. Bah, et là, c'est normal. Je connais bien mon pote Gérard. Aujourd'hui, c'était la Saint-Valentin, c'est les amoureux, ça lui manque. Donc, du coup, il a voulu plus avoir des filles à l'antenne que l'envie de lire des poèmes et de faire des débats. Il voulait pas trop parler à des garçons. C'est vrai, Gérard? Ah bah ça c'est tout à fait normal donc la semaine prochaine je pense que ça ira mieux hein, voilà. Il sera calmé mais là il a besoin de d'être tranquille. Ouais, en fait il est pressé de rentrer chez lui pour appeler Vulve. Non mais je vais l'appeler là maintenant. Ah. Voilà. Gérard, non mais on va y aller, faut que je rentre. Gérard, il y a Stéphanie qui habite à Monaco qui... Ouais non mais c'est bon, c'est pas la peine de lire les messages sur l'internet. Ça ne sert strictement à rien. Et heureusement, j'ai vu. Elle disait qu'elle aimait vraiment ta voix. Ah ouais, bon, c'est bien. Ça va, ça reste. C'est Stéphanie de Monaco. C'est marqué Stéphanie qui habite à Monaco. Ouais. Stéphanie qui habite à Monaco. Bah, viens voir. Ouais. Viens non, voir. Non, c'est bon. C'est même pas la peine. Tiens, regarde. Hein? Stéphanie de Monaco. Ça ouais, non, mais c'est bon. C'est des homonymes qu'ils utilisent. C'est bon. On se met un petit son, on va se retrouver juste après. Allez, à tout de suite.